Examen 5. Compréhension de l'oral. Exercice 4. Situation 1. Nous allons maintenant visiter un monument exceptionnel de notre ville. Vous pourrez apprécier son architecture unique au monde. Situation 2. C'est pour une réservation ? Oui, je voudrais une table pour 5 personnes pour jeudi midi. Situation 3. Monsieur, est-ce que vous allez prendre un dessert ? Bien sûr, je vais prendre une mousse au chocolat.